comme ça. Je mets mon micro ici. Ça retourne son destin. Ce que je dans mes sens. Alcoolise au guidon. Je vais retourner à Rochemy pour voir ce que nous vivons. Que ça m'y donne. Plus je m'étonne. C'est mon heure sonne. Même plus je rigole. Pour ça je n'en tape pas trop. J'ai la rime, je peux y arriver, ça serait beau. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Jalouse, on a cru, je les comprends pas. Touche pas un coup. Trop d'attente, quelque sorte. Trop d'albums, je sais pas. Tout ça sans moi, tu me dis, c'est la bonne. Regarde, je vais conduire. Je ne sais partir, non, c'est fini. Sous-roupus, c'est loin que nous visons. Ils critiquent, oh le bâtard. Que Ichenev, ils s'attardent. Ben ouais, qu'ils s'y jouent. Sans plat quand tu dis le radar. Tout le monde qui l'a mis. La galère, oui, on l'a connu. Couteau dans la plaie, ils aimeraient qu'on remue. Tiens d'Hermès, je te donne un faux nu. Tout le monde, je me cours après le temps, je suis loin de tout. Je suis dans On m'appelle l'OVNI.